Est-ce que tu crois qu'on n'est pas bien comme ça, l'un contre l'autre pour la danse? On ne dit rien ou presque rien. Est-ce que tu crois qu'on n'est pas bien? Est-ce que tu crois qu'on n'est pas bien comme ça? Les autres n'ont pas d'importance, car c'est notre amour qui en a. On est si bien comme ça. Ne me dis rien, non, je me laisse aller. La joue posée sur ton épaule. Prenons le temps de rêver, c'est vrai. Sans ça, la vie ne serait pas drôle. Est-ce que tu crois qu'on n'est pas bien comme ça? Les autres n'ont pas d'importance, car c'est notre amour qui en a. On est si bien comme ça. Toi et moi, on est si bien, si bien.